Bonjour, c'est jeudi, nous sommes le 7 décembre aujourd'hui, à la télé, ce soir, une nouvelle série sur TF1 à 21h, les trois premiers épisodes de la saison 1 de la série Liard, la nuit du mensonge. Sur M6, la France a un incroyable talent. Sur C8, grande soirée spéciale Céline Dion, avec tout d'abord le documentaire Un an avec Céline Dion, et juste après, Céline Dion, ses plus grandes chansons. Sur W9, la Ligue Europa, avec le match OM-Salzbourg, et juste après, 100% foot. Sur TMC, le film Le Cerveau à 21h avec Jean-Paul Belmondo et Bourville. Sur HD1, le petit chef-d'œuvre de Tim Burton, réalisé par Henry Selig, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est à 21h. Enfin, sur L'Équipe, soirée spéciale dès 20h45 avec la cérémonie spéciale Ballon d'Or France Football. Et juste après, le mag L'Équipe du soir spéciale Ballon d'Or. Très bonne soirée télé à toutes et à tous, bon jeudi.